Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici tout de suite les titres. Le tourisme peut être une source de devises au Burundi. Le fondateur de l'organisation de tourisme, Kamensi, trouve qu'il faudrait privatiser ce secteur. À Kayanza, les femmes de la colline Nyamisagara en commune Kabarole disent être prêtes à se faire élire dans les prochaines élections. L'administrateur communal affirme que les femmes s'acquittent souvent des responsabilités leur assignées une fois élu. Et dans la chronique nutrition, on vous parlera de la noix de cajou comme fruit pouvant participer dans la protection de l'organisme. Vous êtes avec Doré Bingabilé. Eric Wimana assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore. Le tourisme pourrait générer des devises au Burundi. Propos de Fabrice Manirakiza, fondateur de l'organisation de tourisme Kamensi. Il propose ainsi la privatisation de ce secteur comme le font d'autres pays afin de permettre au Burundi de gagner encore plus. On l'écoute. Le Burundi a le potentiel de générer des devises par le biais du tourisme. On peut le voir de par les sites touristiques que le pays regorge ainsi que la richesse de notre culture. Alors, pour que ce secteur génère des revenus, il faut qu'il y ait des visionnaires concernant ces sites. Certaines personnes ont recommandé qu'ils soient réaménagés, mais ça résulte. On n'a pas d'autre choix que d'attendre que ce soit pris en compte. Une chose que je peux conseiller, c'est la privatisation de ce secteur, car ça apporterait des améliorations. Je le dis parce que je suis témoin des pays qui l'ont fait. Lorsque ce secteur est privatisé, le pays gagne encore plus via les impôts. Et aussi, ces opérateurs privés enregistrent des bénéfices par le biais des touristes qu'ils font visiter. C'est un conseil que je vous donne, que ce secteur soit privatisé. Je peux vous donner un exemple de l'Australie, un pays où j'ai grandi. 80% de l'économie provient du secteur privé. Les femmes de la colline Nyamisagara en commune Kabarole de la province Kayanza disent qu'elles sont prêtes à se faire élire dans les prochaines élections. Toutefois, ces femmes indiquent qu'il est encore des femmes qui s'autodiscriminent et que cela constitue un des défis de la représentativité des femmes dans les organes de prise de décision. Sagouye Berkimas, administrateur communal, fait savoir que des sensibilisations continuent pour que le taux des femmes qui se font élire augmente. Il affirme que souvent, les femmes s'acquittent convenablement des responsabilités leur assignées. Quand elles sont élues, Patrick Nsengiyumva. Certaines des femmes de la commune Kabarole avec lesquelles nous nous sommes entretenus lorsque nous les avons rencontrées à la colline Nyamisagara nous ont fait savoir qu'elles sont prêtes à répondre aux prochaines élections. Nyandu Emma, qui représente le forum des femmes à la colline Nyamisagara, dit qu'elle se fera élire bien qu'elle ne soit pas instruite, précise-t-elle. Même son de cloche pour Patricie Nibaruta, aujourd'hui un des 5 conseillers collinaires à Nyamisagara. Celle-ci dit d'ailleurs qu'elle aspire à être chef collinaire. Ces femmes font mention toutefois de certains des défis qui empêchent la femme à se faire élire. Là, elle donne l'exemple de la déconsidération chez certaines femmes et d'autres femmes qui ne répondent pas à des réunions organisées. Ces femmes appellent d'autres femmes qui s'autodiscriminent à couper court avec cette mauvaise attitude et se faire élire arguant que se faire élire est non seulement un droit, mais aussi un devoir, précise-t-elle. Contacté à Sosigen Sagouyeber Kimas, administrateur communal et Kabarole, celui-ci a indiqué que des sensibilisations auprès des femmes pour qu'elles puissent se faire élire continuent, car d'après cette autorité administrative communale à Kabarole, les femmes s'acquittent convenablement des responsabilités leur confiées une fois élues. Là, il prend l'exemple de la chef collinaire Ngoma. Signalons que sur 37 collines qui composent la commune Kabarole, 2 seulement sont dirigées par des femmes. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Du sport à présent, 52 joueurs de kung-fu en provenance de tous les clubs du pays se sont affrontés ce dimanche dans le championnat national de passation de grade. Yves Nyenganya, président de la Fédération burundaise de kung-fu, fait savoir que ceux qui afficheront de bonnes performances seront envoyés dans la formation relative à ce sport qui se tiendra en Chine du 21 août au 12 septembre. Aujourd'hui, nous avons fait une activité de Kung Fu, donc passage de gradé au niveau national. Il y a des différents clubs. Nous avons un nombre de 52 personnes qui vont faire des grades, et c'est qui se sont préparés dès le début, au moins 6 mois. Donc le minimum, c'est 6 mois. Si vous n'avez pas préparé pendant 6 mois, vous n'avez pas le droit de participer à cet événement, parce que nous devons voir à quel niveau les gens apprennent vite les arts martiaux, le Wushu. Donc c'est tellement important, de façon que nous voulons un niveau qui est un peu supérieure de ce que nous avions avant. Parce que c'est une école, après tout. Les gens ont besoin d'évoluer, d'avancer dans leur niveau, de voir à niveau international. Puisque nous avons eu des gens qui ont participé à des passages internationaux en Zambie, et ce qui montre que notre niveau est vraiment très haut. Après ce travail organisé aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour la promotion du sport de Wushu ici au Burundi? Après ça, nous avons des compétitions à venir. Ce que nous avons appelé le Kung Fu Kickboxing. Donc, c'est une compétition qui va rassembler les artistes des arts martiaux. Donc, ils vont participer à ces compétitions, voir tous ceux qui vont suivre nos règles. Ils auront le droit de participer à cette compétition. Mais ça serait organisé par la Fédération Burundaise de Wushu. Dans ce cadre, nous aurons justement des combats seulement. Et nous avons toute protection et nous préparons ça depuis plus d'une année. Ça serait une compétition pour la première fois qui sera organisée par la Fédération Burundaise de Wushu. Nous avons aussi d'autres voyages. Le 21, nous serons en Chine pour le Taiji, donc à une stage internationale de Taiji en rapport avec le yin et le yang. Donc tout ça, c'est en rapport avec la santé. Ça n'a rien à voir avec le Wushu, ça n'a rien à voir avec les arts martiaux. C'est pour cela que je disais que le Kung Fu, il ne faut pas le voir dans l'angle de combat seulement. Aussi, il faut voir dans l'angle de santé, parce que l'enfant a besoin de dynamisme, l'enfant a besoin de tous ses mouvements pour se faire distraire et aussi pour faire bien fonctionner son corps, pour la flexibilité, pour la souplesse, tout ça. C'est pourquoi on participe à ce stage international qui sera en Beijing, en Chine. C'est tellement important que la fédération ait des gens qui participent dans tous ces stages internationaux. Ça nous aide à faire promouvoir le Wushu en général. En actualité régionale, avant la chronique nutrition au Rwanda, le président rwandais Paul Kagame a prêté serment ce dimanche pour diriger le Rwanda dans les 5 prochaines années. C'est après avoir remporté l'élection présidentielle du 15 juillet avec plus de 99% des voix, selon la commission électorale indépendante au Rwanda. Plus de 20 chefs d'État étaient présents aux cérémonies à Kigali. Le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, et celui du Burundi, Évariste Ndayishimiye, n'y sont pas participés. Cela est lié au fait que les relations entre ces pays ne sont pas en bons termes. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La noix de cajou est riche en micronutriments. Elle est une bonne source de minéraux, en particulier de cuivre, de manganèse et de magnésium. Elle est également une bonne source de vitamine B1, vitamine B6 et vitamine K. Selon Jean-Paul Winéza, chercheur nutritionniste, la noix de cajou participe à protéger l'organisme des dommages causés par les radios libres. Chronique nutrition avec Jean-Marie Mayong. La noix de cajou est une excellente source de magnésium qui joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. Selon Jean-Paul Winéza, chercheur nutritionniste, la noix de cajou est une source de vitamine B, de sels minéraux, de cuivre et du zinc. La noix de cajou, c'est la graine du fruit de l'anacardium. Anacardium, comme son nom scientifique, Anacardium occidental, arbre de la famille des Anacardiaceae, qui mesure de 9 à 12 mètres de hauteur. La graine de cajou est un fruit sec et oléagineux, très riche en acide gland insaturé, très riche aussi en acide comme oléique et linoléique, vitamines comme la vitamine B1, la vitamine B2, en acide aussi pantothénique et aussi en minéraux comme le magnésium qui égale 260 mg par 100 grammes. La magnésium très important dans l'organisme. Ça intervient dans les nombreuses fonctions métaboliques, mais surtout dans la transmission des impulsions nerveuses. Aussi, la graine de cajou est contient à une quantité très élevée en potassium, aussi en fer et aussi le phosphore. Et la noix de cajou, c'est très riche en ces minéraux. Toutes ces substances nutritives sont indispensables au bon fonctionnement du système nerveux. Jean-Paul Wineza signale que les personnes qui ont de la nervosité, la fatigue anormale, sont invitées à consommer beaucoup plus de la noix de cajou. Les personnes qui ont de la nervosité, en cas d'irritabilité nerveuse, en cas aussi de dépression, en cas aussi de faiblesse et fatigue anormale, en cas aussi de spasme dans les organes clés, dans les colons, ou bien les colons irrités, dans l'utérus, dysménorrhée, aussi dans les artères coronelles et aussi angine de poitrine. Ce chercheur explique également que la carence de magnésium dans l'organisme peut entraîner la nervosité, ce qui est conseillé à toute personne et d'en consommer assez. La carence de ce minéral qu'on appelle magnésium produit la nervosité, irritabilité et même des crampes et aussi des spasmes. La noix de cajou étant très riche en magnésium ainsi qu'en vitamine B1 et B2 et dépasse l'amande et d'autres noix. Quant à sa préparation, la graine de cajou peut être mélangée avec d'autres céréales et la faire griller, la consommer comme des arachides. La graine de cajou peut être mangée grillée, les consommer avec ou sans sel, comme des arachides, comme d'autres céréales, mais étant grillées. Ça peut aussi se mélanger avec des jus et les consommer fraîches en confiture ou en jus. Ces derniers doivent être pris fraîchement, presque car il est difficile à conserver. En fait, ça se consomme vraiment à un seul jour ou bien à l'immédiat parce que c'est très difficile à conserver. La noix de cajou est le fruit originaire du Brésil qui a été mené en Afrique et en Inde par les Portugais au XVIe siècle. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à... Pardon. Merci à vous de l'avoir écouté avec intérêt. À la présentation d'Henri Bingabide, Eric Wiman assurait la mise en onde. Bonne fin de soirée.